Et maintenant, est-ce qu'il y a une autre conversation dans la salle à manger? Oui, il y a une autre conversation entre Hélène et la serveuse. Écoutez. Mademoiselle? Oui, madame. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Je ne sais pas. Un instant. François, une librairie? Quoi? Il y a une librairie par ici?